Bonjour. Comme expliquait Maxime, l'idée, c'est vraiment de donner des données, des résultats pour que les gens puissent se préparer pour les consultations qui s'en viennent. L'agriculture urbaine, c'est un mouvement social. Il y a beaucoup de monde qui en font. De plus en plus, il y a des compagnies qui en font. Mais les données de recherche sont encore relativement rares, sont fragmentaires. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans les pays en développement. Le gouvernement canadien, entre autres, a financé énormément de recherches en Afrique, en Amérique du Sud, mais peu de recherches ont été faites dans les pays du Nord. Donc souvent, on avance des choses, mais on n'a pas les chiffres pour les recherches et les résultats qui démontrent vraiment. On dit « Ah ben oui, l'agriculture urbaine, c'est de la sécurité alimentaire ». Oui, effectivement, de façon... avec un a priori, on pourrait dire, ben oui, effectivement, c'est des aliments, donc ça répond à la sécurité alimentaire, mais quelle forme de sécurité alimentaire que ça répond? Est-ce que ça répond à l'objectif, à un objectif à 100% de sécurité alimentaire ou seulement à une partie? Ou est-ce que ça donne seulement vraiment très peu de légumes, mais en fin de compte, ça change les habitudes alimentaires de la personne? Parce que la sécurité alimentaire, ça peut être ça aussi. C'est peut-être que la personne n'aura pas ses 60 kilos, 70 kilos de légumes pour son année. Pour sa consommation personnelle durant l'année, un Canadien consomme à peu près en légumes entre 60 et 70 kilos, si on exclut les patates, parce que nous mangeons aussi 60 et 70 kilos de patates. Mais donc, si un jardin pouvait fournir 70 kilos des légumes à quelqu'un, il y aurait à peu près tous ses légumes pour la saison. Moi-même, je produis à peu près 130 kilos par été, et on a encore des plats cuisinés de l'année passée. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut atteindre, ou seulement on veut donner 10 kilos dans la saison, mais 10 kilos de légumes que la personne n'aurait pas acheté, ce qui fait en sorte qu'elle va manger autre chose. Cette recherche porte, oui, effectivement, sur des pesées qui ont été faites. Donc, nous avons pesé l'entièreté de notre récolte l'été passé, des récoltes qui ont été faites dans des jardins en sol, des jardins en bac. On a utilisé des smart pots, mais aussi des pesées qui ont été faites ailleurs, dans des jardins collectifs, dans des jardins individuels. Il y avait aussi la caisse populaire des jardins où on l'a fait dépeser et dans les bacs à double fond au Palais des Congrès. Donc, on a quand même un bon survol de différents projets où la pesée a été faite. On a les superficies, etc. Et dans beaucoup de projets aussi, on a des mesures de 2007 à 2011. Oui, 2011. Donc, on a aussi plusieurs années de suivi. Donc, c'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et on a fait aussi des évaluations monétaires. Qu'est-ce que ça représentait au niveau quantité, mais au niveau aussi monétaire? Combien d'argent ça représente? Est-ce que c'est rentable, par exemple? Parce que c'est des questions qu'on peut se poser. Donc, Maxime m'a présenté. Je suis professeur associé à l'Institut des sciences de l'environnement. Et une partie de la recherche, toute la recherche de pesée cet été, l'été passé, en 2011, a été réalisée par Béatrice Antinzo, qui est une étudiante de maîtrise à l'Institut des sciences de l'environnement et qui a fait son stage durant tout l'été et qui a fait un travail assez phénoménal. Et c'est aussi elle qui a été chercher tous les prix dans les supermarchés et dans les marchés pour qu'on puisse calculer après ça la valeur monétaire des productions. Donc, il faut quand même soulever son engagement durant cet été qui était assez important. Et tout ça a été fait dans le cadre, bien entendu, des activités du collectif de recherche en aménagement paysager et agriculture urbaine durable, le CRAPO. Donc, j'en ai un peu abordé. Pourquoi faire une telle recherche? C'est les grandes questions qu'on peut se poser lorsqu'on veut faire une telle recherche. Donc, la question, c'est est-ce que l'agriculture urbaine peut nourrir la ville? Il y a des chercheurs qui se sont posé la question. Enfin, il y a un chercheur, à ma connaissance, qui s'est posé cette question-là et qui a fait développer des modèles. Mais est-ce qu'on peut nourrir adéquatement avec l'agriculture urbaine? Ou l'agriculture urbaine, c'est vraiment très, très, pas futile, mais peu productif. En fin de compte, c'est plus un loisir. Est-ce que c'est un loisir ou est-ce qu'on fait vraiment de la production de manière intéressante? On n'a pas les données. Il y a très peu de données. Je répète, les pesées, ça n'existe pas. Pour l'instant, les gens utilisent des trous de production théoriques, souvent. Ça veut dire qu'un plant d'haricots est censé produire un kilo. Un plant de tomates produit à peu près 2 kilos. Donc, c'est comme ça. Donc, là, ils ont le nombre de plants qui ont été plantés, puis ils vont faire un estimé de la production. L'agriculture urbaine peut être un outil pour la sécurité alimentaire, donc c'est la même chose, hein, parce que c'est un outil de sécurité alimentaire, donc ça se rejoint un peu avec nourrir adéquatement la population urbaine, sauf que là, quand on parle de sécurité alimentaire, en général, on vise surtout les populations défavorisées. Et après ça, est-ce que l'agriculture urbaine peut devenir un outil économique de développement et un joueur dans le système alimentaire urbain? Donc, est-ce qu'on peut en vivre? Autre question, c'est est-ce qu'un urbain culteur peut prendre 2 hectares de terrain en ville, répartis un peu partout et en vivre? Est-ce qu'économiquement, ça peut être rentable? Sous quelle forme? Est-ce que l'UFA Farm, par exemple, est un modèle qui peut être rentable? Je dirais, la personne a quand même investi, il doit avoir un plan de match derrière, mais quelqu'un qui va en partir, quel niveau de rentabilité auquel on peut s'attendre? Des recherches qui ont été réalisées, en fin de compte, il y a surtout 2 recherches qui ont été réalisées à ma connaissance. Peut-être qu'il y en a d'autres ailleurs. Enfin, je sais qu'il y a 2 petites villes qui se sont posées la question, mais 2 grandes villes, Toronto. Donc, c'est McRae et Hall, un professeur à l'Université de York. Et il se posait la question, c'est est-ce que c'est possible de nourrir 10% de la population de Toronto à partir de son territoire? Donc, il a fait un survol spatial de la ville, de voir les espaces disponibles. Il a pris des taux de productivité théoriques. Et la réponse est oui. Donc, on pourrait nourrir 10% de la population de Toronto avec une production agricole urbaine. Ça veut dire beaucoup dans les friches, utilisation des toits. Des toits verts, toits productifs. Il faut savoir qu'à Toronto, ils ont passé un règlement municipal qui oblige les nouveaux bâtiments industriels à avoir des toits verts, donc des toits qui peuvent être productifs. Et un autre, parce que Rob McRae, c'est aussi un spécialiste du système alimentaire, et lui aussi, c'est une question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que faire l'agriculture urbaine, ça met en péril les producteurs maraîchers à l'extérieur, donc les agriculteurs extérieurs. Et donc, lui, il voulait absolument éviter ça. Donc, dans son modèle, il prend en compte cette question-là, qui a fait en sorte qu'il essaie de développer un modèle économique où les fruits et légumes sont vendus au prix du marché. Donc, on ne développe pas une agriculture pour faire en sorte... Parce que là, dans ce modèle-là, quand on parle de 10% de la population, on commence à parler de quelque chose qui peut être rentable pour les gens, donc des agriculteurs urbains. Une autre étude beaucoup plus récente, je vous ai remarqué aussi les dates, hein, 2010-2011, donc c'est tout à fait récent. Cleveland, donc c'est Gréoil et Gréoil, 2011. Et eux ont été beaucoup plus loin. Donc, eux, l'objectif, c'est est-ce qu'on peut nourrir 100% de la ville de Cleveland avec l'agriculture urbaine? Et donc, ils ont développé différents modèles, modèle 1, modèle 2, modèle 3, selon, en fin de compte, ce qu'on utilisait comme espace. Dans leur premier modèle, ils utilisent 80% des friches. Les friches, ça veut dire les espaces en sol disponibles dans la ville. Ici, ça peut être des maisons qui n'existent pas. Ça peut être des anciens stationnements qui ont été abandonnés. Ça peut être des espaces non développés encore. Les champs des possibles est une friche. Donc, c'est tous des espaces qui n'ont pas été développés pour l'immobilier, qui sont disponibles pour l'agriculture. Donc, s'ils utilisent 80% des friches, ils peuvent réussir à produire de 22 à 48% de la demande en légumes et fruits. Donc, ce n'est pas 100%. Son autre modèle, c'était 80% des friches plus les terrains privés, 9% des terrains privés. Donc, les devants de maison, les derrière de maison, il arrive entre 31 et 68%. Et après ça, ici, il va aller avec les toits verts. Donc, 62% des toits industriels et commerciaux, des bâtiments industriels et commerciaux, il peut atteindre jusqu'à 100%. C'est 46 à 100. Quelle est la différence entre le 46 et le 100? Ça dépend des techniques qui vont être utilisées. Et eux, ils poussent beaucoup plus loin que les légumes et fruits. Je ne l'ai pas mis là, mais ils parlent aussi des poules, du miel. Et je pense qu'ils ont mis des moutons dans leur modèle. Donc, il y a de la viande. Donc, je vous invite à aller voir cette étude-là. Et mais encore ici, ici, à l'inverse des autres, ils n'ont pas pris nécessairement théorique, mais ils ont pris des études qui ont été faites un peu partout, dont notre première étude, on a été publiée en 2007. Nos premières données ont été prises en ça, donc ils ont essayé de faire un estimé. Encore là, c'est basé sur un estimé de taux de productivité. Je vais vous montrer nos données tantôt, vous allez voir que... Il y a beaucoup d'erreurs quand même dans ça, mais on voit qu'il y a une réflexion et c'est une réflexion dans laquelle nous, on s'inscrit et ce qu'on veut proposer après ça, peut-être pour Montréal, c'est voir comment, avec les données de Montréal qu'on a, comment on peut proposer des choses et qu'est-ce que aussi ça va impliquer au niveau de règlements municipaux. Parce que si on dit qu'il faut faire des toits verts productifs, mais il va falloir peut-être qu'il faut que les règlements municipaux favorisent la construction de ces toits verts-là dans les zones industrielles. L'UFA Farm, oui, a réussi à s'installer. mais c'est pas si facile. Il y a d'autres serres qui veulent se mettre en place. C'est pas toujours facile. Des fois, il y a des barrières pour réussir à mettre des serres. Sur des toits, c'est souvent la structure qui ne supportera pas. Donc, est-ce qu'on met des règlements au niveau de la construction des bâtiments pour faire en sorte qu'ils soient obligés d'avoir un toit vert, ou tout du moins que la norme prévoit la construction potentielle de toits verts? Alors, donc, j'en ai un peu discuté en présentant les différentes études. Lorsqu'on fait ce genre d'analyse-là, il y a différents éléments qu'il faut regarder, des besoins en données pour finir par développer ces modèles-là. Premièrement, vous avez vu les allées spatiales où l'agriculture urbaine peut s'installer. Hein, il faut savoir où dans la ville, dans la ville, elle peut s'installer. Il faut comprendre que ces spatiales-là vont aussi avoir des effets sur le trou de production, parce que si on parle d'un toit ou on parle d'un sol, ce ne sera pas nécessairement la même production. Et même au niveau du sol, ça dépend où on est. Si il y a seulement des duplex en entour de nous, ça peut aller. Mais si on est dans un coin où il y a des gratte-ciels, bien, c'est sûr que l'ensoleillement ne sera pas la même. Donc, ça oblige à avoir un regard sur l'analyse spatiale. L'analyse de production, c'est plus ça qu'on va regarder aujourd'hui. Et je vais vous montrer les autres éléments. Dans l'analyse de production, il y a des éléments à regarder et qui rejoint un peu l'analyse spatiale. Et après ça, les analyses financières. C'est est-ce que c'est rentable, entre guillemets, est-ce que ça vaut la peine de faire l'agriculture urbaine ou ça ne vaut pas la peine de faire l'agriculture urbaine? Qu'est-ce qui vaut la peine de planter et qu'est-ce que peut-être ne vaut pas la peine de planter? Il y a des plants qui valent plus cher que d'autres. Hein, il y a des plants, par exemple, des tomates. Au mois, à l'automne, les tomates, ça coûte presque rien. Mais ça prend énormément d'espace. Donc, quand on veut faire un modèle de rentabilité, on peut se poser ces questions-là. Qu'est-ce qu'on va planter et qu'est-ce qu'on va favoriser en agriculture urbaine ou pas? Au niveau de l'élément proprement dit de la production, le taux de productivité, et vous allez voir que les données varient énormément dans notre étude. Qu'est-ce qui va faire varier ces taux de productivité-là? On a parlé juste avant le lieu du jardin, à quel endroit se situe le jardin, est-ce qu'il est bien ensoleillé, puis ça change dans le temps. Par exemple, ici, au campus, on avait des beaux jardins très ensoleillés, mais tranquillement, les arbres de l'aménagement paysager grandissent et ça nous fait de l'ombre. Donc, ce qu'on peut s'attendre, c'est que le taux de productivité de nos jardins en sol ici vont diminuer. Par exemple, si un jardin est sur un toit, plein soleil, pas de problème d'ensoleillement, mais il faut l'arroser, parce que s'il manque d'eau, ils vont moins produire. Le climat d'une année à l'autre, et c'est pour ça qu'on fait un suivi, on fait un suivi des données depuis 2007, c'est de voir est-ce que d'une année à l'autre, il y a beaucoup de variabilité ou en milieu urbain, on réussit à conserver un bon taux de productivité relativement stable. Il va avoir le climat, bien entendu, il va avoir aussi comment on se sent ou comment le sol varie. Vous allez voir, il y a des données, je vais vous montrer, dans les suivis de 2007 à 2011, il y a le taux de productivité qui chute énormément, c'est parce que le sol à cet endroit, dans ce jardin-là, a été entièrement refait. Fait contre, le sol était décontaminé. C'est un jardin communautaire qui était décontaminé. On a remis du sol reconstitué avec beaucoup de compost feuilles. C'est-à-dire que le sol était impropre à faire pousser. Enfin, impropre. C'était pas impropre à faire pousser, mais il n'était pas très riche pour avoir un jardin, pour avoir la production maraîchère. C'est en sorte que la production a chuté. Tu vois, les données, c'est... Et pourtant, c'était toujours le même jardinier qui faisait l'agriculture. Donc, logiquement, on n'a pas changé ce facteur-là. C'est vraiment que cette année-là, le sol était très pauvre et les gens arrivaient avec des poches de compost. Il y a des personnes qui ont amené des seaux avec des insectes pour remettre des insectes, des vers de terre, parce que c'était mort. Compétences humaines. Hein, on va voir que c'est hyper important. L'agriculture urbaine, c'est des gens. C'est des compétences. Si les compétences ne sont pas présentes ou sont moins affectées, parce que les gens peuvent être très compétents, mais pas nécessairement compétents dans l'agriculture, mais compétents dans l'animation de jardin, dans le travail social, etc., bien, ça pourrait changer notre taux de production. Donc, selon les mandats des projets, le taux de production peut varier. Et des personnes aussi, on réapprend l'agriculture urbaine. Pratiquer l'agriculture urbaine, c'est un peu différent de pratiquer en monde rural. Donc, un agronome, des fois, doit se réajuster quand il part des projets en agriculture urbaine. Et bien entendu, toutes les questions de technologie hydroponique, production hydroponique, les types de bacs, types de contenants et autres éléments technologiques, innovations, qui pourraient rentrer, qui pourraient aider la production. Alors, on arrive aux données. Les taux de productivité, et là, on a les taux de productivité dans les jardins collectifs de Montréal. Les différents jardins qui ont participé à fournir les données. Vous comprenez que c'est eux qui ont pesé, c'est eux qui nous ont fourni les données, les superficies et autres. Et je les remercie. On va remercier à la fin aussi, parce que sans eux, il y a beaucoup de données qu'on n'aurait pas. Donc, la production en kilos. Donc, on voit sur les projets. Donc, nous avons ici Quartier de Villeray, Nutricentre La Salle, Action communitaire, Rosemont, La Croisée de Longueuil, AXA Pointe-Saint-Charles, qui n'existe plus, mais les jardins ont été repris par le Club populaire des consommateurs, Le Crapaud. Et ici, dans les deux premiers exemples, c'est plusieurs années de production. Donc, la production en kilos et le taux de production, c'est des moyennes ici qui ont été faites. C'est 3 ans. Pour Villeray, c'est 2 ans de production. Et pour Nutricentre La Salle, c'est 3 ans de production. Donc, ce qu'on a, c'est des productions très, très variables au niveau dans le nombre de kilos, qui est en lien, bien entendu, avec l'importance du jardin. Donc, la superficie couverte par le jardin. Donc, on a ici, par exemple, à 142 kilos, on a le crapaud en 2011. Il faut dire que le crapaud n'a pas des grandes superficies en jardin. À l'inverse, la croisée de Longueuil, production 8 000 kilos. Sauf que très grande superficie de production. Et donc, après ça, on a d'autres qui varient. Ça représente quand même une tonne, hein? Une tonne de légumes dans un quartier. C'est non négligeable. Et si on regarde les niveaux des taux de production en kilos par mètre carré, ça varie de 0,32 kilos par mètre carré à 2,3 kilos par mètre carré. Cette grande variabilité-là n'est pas nécessairement, par exemple, ici, Action communautaire, qui est vraiment pas bon en horticulture maraîchère. C'est surtout que plusieurs projets des jardins collectifs, dans leur jardin, ce qu'ils considèrent comme leur jardin, mais des fois, ils font pas pousser de légumes dedans. Hein? Ça peut être de l'engrais vert, ou ça peut être directement des zones d'aménagement pour retrouver les gens, ou ça peut être des endroits plutôt de formation, ce qui fait en sorte que le kilos par mètre carré varie énormément selon ce que les gens considèrent comme la superficie de jardin. On demandait au groupe de nous fournir la superficie jardinée, mais pour certains, on sait, par exemple, Action communautaire ne nous ont pas donné la superficie jardinée, mais une superficie plus large qui inclut des aménagements qui ne sont pas du jardin. Donc, on a quand même une moyenne de à peu près 1 kg par mètre carré, plus ou moins 0,6 kg. Au niveau des taux de production. La majorité des jardins collectifs n'ont pas pesé légumes par légumes. Et ça, effectivement, ça peut jouer. Certains l'ont fait, on n'a pas analysé les données. Mais lorsqu'on regarde, parce que des fois, ils ne pesaient pas, mais ils nous disaient ce qu'ils avaient mis dans le jardin. Et en général, c'est très variable. Il n'y a jamais genre que des choux, que des courges. Effectivement, si on décide de planter que des courges, là, le taux de production va augmenter, mais il y a beaucoup en général, c'est tomates, poivrons. Oui, mais c'est ça. En général, les légumes qu'on retrouve dans les jardins collectifs, c'est ce qu'on mange. Donc, il va y avoir souvent des variétés différentes, là, mais ça va être des tomates de différents types de variétés, concombres, un peu de courge, pas tant de ça que de courge, un peu de choux, pas beaucoup de production de choux, des poivrons, des aubergines, des haricots. En général, il n'y a pas de patates. Il y a topinambour pour certains, céleri, carottes, navets. Donc, c'est un peu plus ces grands groupes de légumes-là. Et c'est un choix qu'on a fait de traiter ça comme ça en disant, parce qu'ici, c'est les jardiniers qui ont choisi ce qu'ils voulaient planter. Et comme c'est les jardins collectifs, on a dit, OK, on veut voir le taux de production d'un jardin collectif qui fonctionne de manière régulière avec ses objectifs, ses propres objectifs au niveau de type de légumes. Rosemont... Ici, en fin de compte, Nutricentre La Salle, entre autres, eux, leur objectif est vraiment une production maximale. Ils veulent fournir 400 grammes de légumes par jour par jardinier adulte et 200 grammes de légumes par jour par enfant qui sont dans les jardins. Donc, eux, ils ont un mandat très clair et c'est pour ça que le taux de production par mètre carré est relativement élevé. La moyenne pourrait être plus élevée, parce qu'il y a une année où vraiment ils ont baissé de moitié leur taux de productivité parce qu'il y a un changement de personnel, etc. Ça a été assez complexe, ce qu'on m'a expliqué, ce qui fait en sorte qu'ils ont baissé énormément leur taux de production parce qu'il n'y avait plus personne pour s'occuper des jardins pendant un certain temps. Mais ça donne quand même un kilo par mètre carré pour les jardins collectifs, ce qui est non négligeable. Et ce qui est intéressant après ça, avec ce chiffre-là, c'est qu'on peut voir comment on va aménager nos propres jardins. On peut densifier les jardins. Hein, décider qu'on rentabilise au maximum, entre guillemets, qu'on met le plus d'espace possible pour le maraîchage. On va voir tantôt avec les bacs, c'est la même chose. Il y a certains toits où il y a des bacs, mais les bacs sont à 1,50 m l'un de l'autre. On pourrait en mettre plus, peut-être doubler le nombre de bacs pour augmenter la production. C'est aussi ça le lien auquel en général, on fait pas. On se dit, on va mettre 150 bacs. Mais peut-être qu'on pourrait densifier ces toits-là. C'est un exemple, c'est la Caisse populaire des jardins. Il y a 130 bacs, mais ce 130 bacs-là occupe une infime partie de la superficie totale parce qu'il y a un mètre dans les rangées pour passer entre les bacs. On pourrait facilement augmenter, doubler le nombre de bacs et donc doubler la production aussi. Donc ici, c'est vraiment, je vous montrais les données là, de 2008 à 2011 pour les deux jardins où c'était des moyennes. Là, je présentais Villeray et Nutrition de la Salle, je disais que c'est des moyennes. Vous voyez la variabilité d'une année à l'autre. Et on voyait ici vraiment en 2011, on a toute production de 1,2 kg par mètre carré. Ça a vraiment chuté. Et ici, c'est vraiment un changement de personnel. Donc, des ressources humaines ont eu une influence ici sur la production. Et après ça, bien entendu, il y a des variabilités existantes qui peuvent relier au climat. Est-ce qu'on a parti jardin tôt, on a parti jardin tard? Mais on a quand même une bonne idée. Vous voyez, c'est même 2,5 kg par mètre carré à certains moments. Au niveau des jardins individuels, et là, vous voyez, on vient de sauter. Si on regarde uniquement le niveau de taux de production de kilogrammes par mètre carré, on est rendu dans les 4,7. Ici, pour celui en fin de compte en bleu, il y en a ces deux jardins qui ont été suivis de 2007 à 2011. Donc, pour celui en rouge, c'est de 3,4 à 4,7 kilos par mètre carré. Dans l'autre, c'était plutôt des 1 à 2 kilos. Donc, on vient de doubler. Le taux de production. Il faut comprendre qu'ici, c'est un jardin individuel. Hein, la personne a une parcelle, puis ce qu'elle fait, produit. Hein, si elle veut même, si elle ne veut pas produire, parce qu'on a fait des entrevues avec des gens qui étaient dans des parcelles comme ça, des jardins communautaires, la personne elle dit, moi, je n'ai pas envie de produire, je n'utilise pas mes légumes, mais quand je vais au jardin, je ne peux pas rien faire d'autre qu'avoir des beaux plats. Donc, si on a des beaux plats, ça produit. Et donc, il y a des taux de production très élevés parce que les gens, vraiment, ils s'occupent de leur jardin. Ils font que s'occuper des plantes maraîchères. Ils n'ont pas d'autres activités. C'est vraiment ce qui les intéresse. Ce qui fait en sorte qu'il y a un taux de production très élevé. Et ici, un peu moins élevé. Ça, en rouge, c'est dans un jardin communautaire. Ce qui fait en sorte qu'en plein ensoleillement, très bien dégagé. Tandis qu'ici, c'est dans une cour arrière de duplex. Donc, il y a beaucoup moins d'ensoleillement. Le matin, le soleil est devant, il y a le soleil dans ce jardin-là à peu près à partir de 1 heure. Donc, il y a une possibilité d'augmenter énormément le taux de productivité des jardins lorsqu'on ne fait que ça. Si on regarde au niveau des bacs, donc là, on n'est plus dans le sol. Avant ça, on était uniquement en sol. Et là, on sort du sol pour regarder taux de production en bac. Des bacs sont soit sur des toits ou qui ne sont pas sur des toits. Donc, parce que là, c'est beaucoup les données de 2011 du collectif, du CRAPO. Nous avons des bacs qui sont sur l'asphalte ou dans une cour en pavé uni. Donc, là, ici, les premiers, on a bac. Là ici, nos bacs bleus, pas à double fond. On a bac à double fond. C'est bac double fond au complexe des sciences, donc ici à l'intérieur, au sol. Bac à double fond au centre sportif, qui est un îlot de chaleur, qui est vraiment enclavé, pavé uni, fait chaud. Je ne sais pas si les gens connaissent le centre sportif de l'UQAM, mais juste au Sanguinet, juste avant, il y a une cour en pavé uni, il fait chaud. Les plants, il faut arroser régulièrement parce qu'ils meurent. Si on y va pas, même s'il y a une réserve, si on ne va pas aux 2 jours, il manque d'eau. Endroit très chaud. Pavillon de design, c'est sur un toit. Donc, c'est des bacs à double fond, mais un sixième étage. Nous avons des productions en smart pot. Et après ça, les deux derniers ici, donc nous avons la moyenne. Et après ça, on a la Caisse populaire des jardins et le Palais des congrès. Donc, BAC à double fond et la Caisse populaire des jardins, c'est le système Biotope. Les deux sont sur un toit. Donc, ce qu'on remarque, c'est moindrement qu'on voit des endroits vraiment très chauds en BAC, ça produit. Donc, les BAC, première chose, les BAC produisent en kilo par mètre carré presque autant qu'une production individuelle. Hein, ça va, ici, on a entre 3,2 kg par mètre carré jusqu'à 8,5-8,6 kg par mètre carré. Donc, ça produit, c'est pas un problème. Le BAC peut être très productif. Ça demande, par exemple, on va le voir tantôt, ça demande de l'investissement, ce que le sol ne demande pas. Hein. Il faut les avoir, les BAC, il faut les installer. Il faut s'en occuper beaucoup plus que des plantes en sol. Et ce qu'on remarque aussi, c'est là, par nos données, c'est qu'on remarque qu'il y a des endroits, si on est au sol à travers des bâtiments, on a une production nettement moins dans ces bacs-là que si c'est vraiment un endroit hyper ensoleillé, chaud, sur un toit, par exemple. Ça, c'est un peu, ça va dans ce qu'on connaît là, de l'agronomie. Les plantes sont heureuses lorsqu'ils sont bien ensoleillés. Bien arrosé, bien entendu, il faut bien s'en occuper. Et ici, la grosse souci, le gros enjeu, c'est de planter des plantes hein, qui correspondent au bac, qui correspondent à la chaleur. Si on plante des laitues, très vite, ce qui va se passer, ils vont mettre en graines. Mais les aubergines, par exemple, sont heureuses, sont folles comme des manches à balai. Ils vont produire des kilos et des kilos. Parce que hein, chez moi, l'année passée, avec 4 plantes, j'ai produit 8 kilos d'aubergines parce qu'ils étaient en plein soleil dans des bacs. Et donc, une forte production avec une moyenne à peu près. Donc, on vient un peu supérieur au sol, mais bon, vu l'écart type, 1,7, c'est à peu près la même chose là, que la production dans les jardins individuels. Donc, 5,5 kg par mètre carré, avec une erreur quand même, une variabilité assez élevée de 1,7. Si on regarde les caisses populaires des jardins et le palais des congrès, oui, effectivement, c'est deux technologies différentes. Mais je ne dirais pas que l'écart est dû par les technologies différentes utilisées. Je pense qu'il y avait aussi le Palais des Congrès, c'est un nouveau jardin, une nouvelle installation. Caisse populaire des jardins, c'est la même personne qui s'occupe de ce jardin-là depuis, c'était sa troisième année, je pense, que ça en occupe. Il est très bon, en plus, pour travailler avec ces systèmes-là qui sont en hydroponique. Mais on remarque qu'on est à 9 à 14 kilos par mètre carré. Hein, on vient encore d'augmenter. Ici, la Caisse populaire des jardins, c'est 130 bacs en hydroponique. Le Palais des congrès, c'était 150 bacs à double fond sur le toit. Donc, on voit entre 9,9 kg par mètre carré à 14 kg par mètre carré sur des toits bien ensoleillés et qui ont bien été, qui sont bien occupés. Donc, on remarque vraiment une augmentation des données beaucoup plus importantes que lorsqu'on est sur un toit. Lufa Farm. Je ne l'ai pas mis Lufa Farm parce que pour l'instant, on n'a pas de. Une estimation de l'horticultrice en chef, je ne sais pas c'est quoi son poste, de la personne qui s'occupe des serres, c'est une estimation qu'elle fait du taux de production de Lufa Farm. Donc, c'est à prendre avec tout réserve. Je ne l'ai pas mis là parce qu'en plus, je ne l'avais pas hier soir. Il était ici à mon bureau. Ils ont produit, juste depuis leur ouverture, donc c'est pas. C'est pour une année, 141 tonnes. De légumes. Et si on regarde leur superficie qu'ils ont, ça fait une production de 5,9 kg par mètre carré. Donc, ils sont ici. Mais il faut comprendre que c'est là, c'est toujours la même question. C'est leur première année. Ils viennent de commencer. L'été passé, on sait qu'ils ont produit, je ne sais pas, tout le monde est au courant, mais ils ont produit des poivrons. Ils en ont produit tellement qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en voulaient plus. Ils ont donné, je pense que Tim, vous aviez des poivrons de Lufa Farm ou pas l'été passé? Oui. Marché Solidarité, il y avait énormément de production de poivrons. Donc, il faut qu'ils s'ajustent leur production. Pour l'instant, ils sont à peu près 6 kg par mètre carré, mais c'est une estimation à vue de nez. Ils n'ont pas pesé tout ce qu'ils savent. Il faut comprendre que 140 tonnes, ça commence à. C'est 29 000 pieds carrés de culture pour 31 000 pieds carrés d'installation. Donc, ça produit à chaque jour. En fin de compte, l'estimé, c'est, je pense, ça produit un peu plus de 800 livres par jour, 7 jours semaine. Alors, si on fait une synthèse des données de production et on compare ça avec d'autres études qui ont été faites ailleurs, la majorité aux États-Unis, et là, on a jardin collectif, jardin individuel, culture en bac, culture sur toit. Donc, les moyennes des mesures montréalaises, jardin collectif, c'est à peu près 1 kilos par mètre carré. Les jardins du zèle, ça va entre 2,2 et 4,2 kilos. Culture en bac, 5,5 kilos par mètre carré. Culture sur toit, 9,1 à 14,2. Ça, c'est les données de Montréal. Si on compare ça avec ailleurs, par exemple, ici, une donnée de production hydroponique sur toit qui est à B aux États-Unis. Vous voyez que là, j'ai aucune idée c'est où. J'ai même pas réussi à trouver l'étude de source, donc je cite l'étude qui l'a citée elle-même. 19,53 kilos par mètre carré. Donc, plus élevé, mais bon, on voit que ça produit énormément sur les toits. Ça sera à valider. Là. Toujours la question, c'est d'aller toujours chercher des données en permanence. Et on remarque, si on regarde les jardins individuels, 6,5, 6,7, 6,3, 6,5 si c'est en intensif. Hein? Nous, on était à plutôt à 4,2, mais ça reste à peu près toujours dans les mêmes, dans les mêmes valeurs. Surtout qu'ici, on n'a aucune idée du nombre de mesures qui sont représentées par ces études-là, ni les écarts-types. Et on remarque que dans un jardin conventionnel, dans une cour arrière, un jardin de maison individuelle, on parle de 2,2 kilos, 1,2 kilos par mètre carré, tandis qu'on avait pour nos données, quand je viens de vous présenter, 2,2 kilos par mètre carré. Mais pour l'instant, ça reste encore fragmentaire. Et ce que je pouvais vous présenter, ce qu'un jour on aimerait bien réussir à faire, il faut toujours rêver. Ce qui a été fait à New York, ça s'appelle Farming Concrete, et ils ont développé un module qui permet aux gens de peser eux-mêmes leur production. Et là, actuellement, ce qu'ils annoncent, c'est qu'ils ont 10% de la production de New York dans les Community Garden qui est pesée par les jardiniers. Il y a tout un petit système. J'ai été tantôt et ça ne marche pas sur cet ordinateur-là. En général, ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas ici. Donc, on a vraiment ici le type de jardin, dans quel quartier il se trouve et quelle variété de légumes. Donc, en choisissant, il va nous dire la superficie que ça représente, le nombre de plants, le poids que ça représente et la valeur en dollars. Et donc, ils sont en train de mobiliser actuellement l'ensemble des jardiniers. Ils leur donnent une balance. Ils font deux choses. C'est qu'ils donnent des balances aux gens pour que certaines personnes pèsent leur production et qu'ils notent, j'ai 10 plants de tomates dans l'été, j'ai produit tant de kilos. Et il y a d'autres personnes, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils disent, moi, j'ai planté 10 plants de tomates, moi, j'ai planté tant de choses. Donc, avec les données de mesure d'une partie des jardiniers, ils peuvent extrapoler pour les autres. Parce que peser des légumes, c'est une tâche ardue qui demande de toujours être prêt, de toujours le faire. On ne peut pas se dire pendant deux semaines, oh, j'arrête de peser. Surtout si on est à fin juillet. C'est pas le meilleur moment. Mais ça demande de dire, tu as envie tout de suite de manger tes légumes ou tu n'as pas envie d'oublier la balance. Mais ça oblige les gens à ne pas oublier la balance et à le faire. Parce que si les gens arrêtent de le faire, ça perd toute la valeur. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'une partie des jardiniers dans les jardins pèse et l'autre partie ne fait que donner la cartographie de leur jardin. Ce qu'ils ont planté, et ils font des estimés comme ça. Donc je vous invite à aller voir ça. Actuellement, on travaille avec des gens à Paris pour développer un système, peut-être pas un système comme ça, mais développer cette idée-là de peser la production d'un jardin. On a fait une cartographie de tous les projets d'agriculture urbaine à Montréal, donc jardin collectif, jardin communautaire, actuellement à Montréal, à peu près 25 hectares en agriculture urbaine. Ça donne une idée, c'est pour ça que je vais pouvoir faire un peu d'extrapolation au niveau des valeurs monétaires. Donc, la valeur monétaire de la production, c'est on a noté les prix des légumes qu'on pouvait trouver dans les supermarchés ou dans les marchés. Donc, trois fois dans l'été, on a été récolter les prix des fruits et légumes qu'on retrouvait dans nos propres jardins qu'on a suivis en 2011 pour après ça pouvoir faire une évaluation. Production de 2 kg de laitue. La laitue s'est vendue tel prix. Et voilà, on a une valeur. Et on a fait ça pour toutes nos productions. Ce qui nous permet d'avoir une valeur monétaire de la production de nos différents jardins. Là, c'est pas vraiment jardin, ça a été un peu... des fois, la recherche prend des détours incroyables et j'ai pas réussi à faire éclater les données encore. Donc là, ce qu'on a, on n'a pas nos projets proprement dit, mais on a en sol, en bac à double fond et biotope. L'avantage, c'est qu'on sait, il y a un seul projet qui avait biotope. Ici, c'est la Caisse populaire des Jardins Montréal. Bac à double fond, c'est un peu des Jardins du Crapaud, mais avant tout, les 150 bacs du Palais des Congrès. Les bacs ici, c'est le Crapaud, et en sol, c'est aussi uniquement le Jardin du Crapaud. Donc, valeur monétaire, donc ça va de 1 171 $, un gros 160 $, pour les quelques bacs. Il faut dire qu'il n'y en avait pas beaucoup ici, mais on avait quand même un bon taux de production par mètre carré. Mais le problème, c'est qu'il y a très peu de mètres carrés. Et après ça, bac à double fond, quand même une très grande superficie. Je sais pas si vous avez vu le projet du Palais des Congrès, 150 bacs. C'est assez impressionnant comme superficie. Ça devait faire à peu près, c'était plus grand que la pièce ici. Ça devait être deux fois la superficie de la pièce ici. Et ici, c'est la Caisse populaire Montréal. Donc, 2 200 $ et 1 457 $. On regarde ces chiffres-là, je peux vous dire que j'ai pas envie de me lancer en tant qu'agriculteur urbain. En tout cas, pas dans les conditions de ces plantations-là. Je planterais des choses nettement plus rentables. Par exemple, si on prend Biotope, les 130 bacs, déjà, rien que l'investissement d'achat des bacs, on vient de dépasser. Et je sais que la personne qui s'occupait de ces jardins-là a coûté plus cher que ce montant-là. Mais de là, se pose la question. Ce que je vous disais tantôt, les biotopes et les bacs sur ce toit-là, c'est pas dense. Hein? Il y avait beaucoup d'espace. Donc, la question ici, on voit que ces projets-là sont pas prévus non plus pour faire de l'argent. Si on densifie, si on triple la production, parce qu'on tasse les bacs, et c'était, entre autres, par exemple, l'action communautaire, ils avaient fait un toit en bac biotope qui était au moins 2 à 3 fois plus dense que ce qu'il y a actuellement sur la Caisse populaire des Jardins. Donc, on vient d'atteindre plutôt 3 à 4 000 $ de production. Et si, après ça aussi, on décide de favoriser particulièrement les légumes qui sont le plus haut niveau de rentabilité. Donc, oubliez les tomates. Oubliez, par exemple, ici, ils avaient mis un plant de melon. Le plant de melon était dans un bac. Il avait son bac à lui tout seul et ils ont produit un melon qui pesait 250 grammes. On comprend que l'objectif ici est un objectif d'agriculture urbaine, d'expérimentation et de donner des légumes. Pour la Caisse populaire, ils n'ont pas envie de rentabiliser. Hein. Ce n'est pas l'objectif de rentabiliser, c'est pas vraiment pas ça. C'est eux, ils ont un projet de démo qui font une belle image, une belle carte. Hein. C'est beau, la responsabilité sociale des entreprises et ils donnent la production. Et le jardin, la cuisine collective était très contente. Eux ont eu trop, il y en avait trop de légumes. Ils ont dû en donner, ils étaient à la station de métro, on m'expliquait des stations de métro, puis ils donnaient de la bête à carte, etc., puis ils en avaient trop, puis ils en ont énormément transformé aussi. Donc, si on regarde, par exemple, ça, c'est les valeurs brutes, mais si on regarde par mètre carré, et là, de là, on voit sur la densité, on marque quand même que 78 $ par mètre carré, quand même, ça peut, si on rentabilise et si on a une bonne personne pour faire fonctionner le système, bac à double fond, 50 $ par mètre carré, 55 $ par mètre carré, quand même, c'est pas négligeable. On peut développer une perspective, on peut réfléchir. À partir de ces données-là, on peut commencer à réfléchir à des plans d'affaires, entre guillemets, à voir comment on peut pousser la rentabilité au maximum. Ce qui fait en sorte, si on prend si on prend ce petit 5 $ par mètre carré, qui est pas beaucoup, hein, très faible, mais si ce 5 $ par mètre carré, on le met sur l'ensemble du territoire qui actuellement est en agriculture urbaine en sol à Montréal, ça fait quand même 1 250 000 $. C'est non négligeable. C'est sûr, mais malheureusement, ce 25 hectares-là est éclaté à travers la ville. Mais on peut facilement, si on réussit à trouver des endroits qui ont quelques hectares qu'on peut exploiter, bien, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Et il faut comprendre que là, on est juste à côté des marchés. On peut développer, et c'est l'idée de l'UFA Farm, entre autres, c'est vraiment de développer sur le marché local, juste à côté. Donc, ce petit chiffre-là de 5 $ par mètre carré, quand même, peut être conséquent. Et si on réussit à développer, par exemple, l'ensemble du Palais des Congrès, soyons fous, rêvons. Je ne sais pas quelle est la superficie totale, mais c'est grand. C'est très grand. Ça devient quelque chose de très intéressant. Ça devient quelque chose où il y a économiquement beaucoup d'argent qui va rentrer. Donc, il ne faut pas dire. Des fois, on regarde les chiffres comme ça, on dit mais c'est presque rien, mais en mètre carré, ça peut être intéressant. Il faut seulement réfléchir à ce niveau-là en disant mais il faut densifier, il faut professionnaliser. À partir de ces résultats-là, de sol, taux de production en sol, taux de production sur les toits, différents types de technologies, différents types aussi d'organisation de ces jardins-là. Puis ce qu'on a vu, les jardins collectifs sont un peu moins productifs que les jardins individuels intensifs parce qu'ils répondent à d'autres besoins aussi. on peut commencer à réfléchir à ce qui se développe actuellement du food urbanism, donc l'urbanisme alimentaire. Donc, un urbaniste qui développe la ville en pensant aux questions alimentaires, autant de la distribution, mais aussi de la production. Donc, on peut avoir les jardins privés. Comment on peut développer un nouveau quartier en disant qu'il faut favoriser dans les jardins privés l'agriculture? Ça veut dire qu'il faut favoriser aussi l'enseignement. Hein? Les community allotments, donc les jardins collectifs, les jardins communautaires, les food boulevards, je vais vous montrer un exemple après que je trouve très intéressant, c'est utiliser des espaces libres dans la ville qui sont souvent utilisés, sous-utilisés ou utilisés pour l'esthétique, pour développer une ambiance. Mais développer cette ambiance-là peut permettre aussi de mettre des plantes alimentaires dedans. En fin de compte, ils le font déjà. Mais je ne sais pas, quelqu'un peut me répondre, je ne sais pas où va le kale et la bête à carte qui sont mis dans les aménagements paysagers ou les choux. J'ai posé la question cette semaine pour Sherbrooke, parce que Sherbrooke le fait. Ils l'ont fait sur la mairie, puis j'ai posé la question, mais finalement, c'est parti où, votre production sur la mairie, votre bel aménagement agriculture urbaine sur la mairie? Il a dit, on l'a laissé là un certain temps, puis à un moment donné, on les a pris, puis on les a mis au compost. Puis là, avec un clin d'œil, il me dit, j'espère. parce qu'il n'y a pas de... Et logiquement, c'est le chemin que ça va prendre, mais des fois, c'est pas là que ça va. Mais donc, comment arrimer ces espaces-là qu'on pourrait rendre plus productifs? Les institutions, bien entendu, mais ça, à Montréal, on est quand même pas mal grillé. Presque toutes les universités en font. Et après ça, les fermes. Comment on peut développer des fermes urbaines? À Londres, il y a 10 fermes urbaines. Pourquoi on ne peut pas en développer ici? Et donc, fermes urbaines et fermes de quartier. Et je vais vous laisser sur ce beau projet que j'aime beaucoup et qui est un projet de développement à New York et vraiment un développement ici. Vous voyez, ça, c'est un nouveau développement de bâtiment. Et au centre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé, oui, des voitures, mais avec un espace d'agriculture au centre, un aménagement, en fin de compte, un edible landscape, un aménagement comestible. C'est un vrai projet de développement qui s'en vient. Donc, ils ont fait une proposition pour cet endroit-là, mais ce n'est pas un projet qui a été réalisé. C'est le genre de concours en architecture qu'il va avoir aussi à Montréal. Parce qu'à Montréal, actuellement, on a un 45 hectares qui va être développé, qui pourrait être développé avec l'introduction de l'agriculture urbaine si on y réfléchit à l'avance. Enfin, il y a plusieurs endroits à Montréal qui vont être développés et qui pourraient inclure dès la base ce genre d'idées-là. Et voilà, et je ne voulais pas finir sans remercier les gens qui ont fourni les données. Centre Paul Roulant, Nutricentre La Salle, Action communautaire, la Maison de quartier Villeray, Hélène Cossette, La Croisée de Longueuil, Bouffe Action Rosemont et Jean-Marie, et aussi Chapeau de Centraine qui, pendant un certain temps, chapeautait ces jardins collectifs-là. Et c'est lui qui a fait en sorte que beaucoup de jardins collectifs ont donné leurs données puisqu'il était le bailleur de fonds. Quand ils leur demandaient gentiment, ils ont gentiment répondu. Mais bon, et toutes les personnes là, qui sont derrière, parce que là, je nomme les organismes, il y a des gens derrière qui ont fait le travail, qui ont fourni les données et qui continuent à me fournir les données. Donc, c'est réel. Et si vous-même, vous avez envie de peser vos légumes dans votre jardin cet été, vous êtes les bienvenus.